Alors, bonjour, bienvenue et merci d'avoir pesé sur Start. Vous êtes dedans la barrique numérique avec les frères Cassette, là où les jeux vidéo et la bière se rencontrent sans bug. Ni glitch. Alright, comme je viens de dire, on est les frères Cassette. Moi, c'est Gilles. Moi, c'est Gaétan Cassette. Puis ce soir, au menu principal, parce qu'à la barrique numérique, ce qu'on fait, c'est qu'on parle d'un jeu vidéo, puis en même temps qu'on fait ça, on boit une bière. Ce qui est tout à fait acceptable comme activité. Exactement, fait que c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on fait. Alors, le jeu d'aujourd'hui, c'est Saints Row 4. Oh que oui! Oh que oui! Et un jeu une grosse dose de Nid Clown et de God Michel à l'effigie de Rob Ford, mesdames et messieurs. Je suis pas sûr que Rob Ford est dans le jeu, mais ça serait un Christy de bon personnage, puis il fitterait. Je pense que oui, il fitterait. C'est ça, absolument. C'est bon. Fait que c'est un jeu qui est développé par Volition et qui a été publié par Deep Silver, qui est sorti fin 2013. J'ai la date pas loin. C'est pas bien important. On sait que c'est sorti. Ouais, mais je vais quand même te le dire, c'est le 20 août 2013. Fait que finalement, c'était au milieu de l'année, puis j'étais dans le champ. Ben oui, t'es toujours dans le champ. T'es en train de travailler au soleil. Fait que Saints Row, c'est quoi en gros l'histoire? Ben c'est des saints. Hein? Mais ils se sont autoproclamés des saints sans nécessairement avoir une connotation religieuse. Alors, que de mieux pour parler de ce jeu de saints que la buteuse du trou du diable? Ben oui, qui est une, comment qu'ils disent, une bière divine extra forte. Donc, ouais, elle est divine, donc le lien est là. C'est très, très, très divin, en effet. Moi, je ne la connais pas, mais apparemment, mon frère Gaétan, lui, il l'a déjà essayé. Je l'avions déjà goûté à plusieurs reprises, puis c'est quelque chose. Ah ouais, hein? Bon, ben écoute, moi, je vais essayer ça, puis c'est le moment du pchit. Fait que dans le micro à 3, 1, 2, 3. J'ai eu de la misère encore aujourd'hui. Là. Tout va bien. Ben oui. Fait que on verse ça dans notre verre, puis... La première chose à dire, c'est la couleur. Eh boy, ça va être là. Non, mais tu vois, il faut aussi que ça verse dans le micro. Ben, le son, là, pas la bière dans le micro. Là. Ben, ah, oh! C'est pour ça les flamèches. Oh, là, hein? Attention pour pas gagner de choc, toi, là. Bon, OK, le micro revient ici. Alors, comme on disait, c'était une... C'est une bière extra-forte ale. C'est inspiré d'une des triples belges, si je me trompe pas. D'accord. Ouais, c'est ça, inspiré d'une triple belge. Ouais, alors on a une petite couleur qui est dorée légèrement dans les teintes de jaune pâle. Ouais, ben non, dorée, je trouve c'est une bonne description. Ouais, là, ça dépend vraiment beaucoup de la lumière qui se trouve derrière le verre auquel tu regardes. Ouais. Mais c'est... Bon, une bonne petite arôme, on aime ça. Et pour moi, la première gorgée, surprenante. Ça serait le premier mot parce que oui. C'est une blonde, oui. Ben, peut-être pas une blonde. Là. Belge. C'est plus une belge. Puis quand elle rentre, là, elle prend toute la place de la bouche. Ah non, c'est fou. C'est plein de saveurs. Puis tu t'attends pas à ça. Puis c'est quand même une bière qui est à 10%. Puis on sent vraiment pas l'alcool à ce point-là. Là. C'est vraiment une petite bière quand même assez légère au niveau de la saveur d'alcool, mais qui est forte en goût. Là. Je pense que nos auditeurs vont le sentir, eux, que l'alcool nous affecte d'ici la fin de l'épisode, mais ça se pourrait une autre fortement. Histoire. Fait que, sans plus tarder, on va commencer ça. C'est quoi ça, Saints Row 4? Moi, j'ai joué un petit peu au 3. J'avais trouvé ça coquet, là. C'était très... Fun et ballonné, c'est le terme. Exactement, ouais. Puis, effectivement, là, c'était bien drôle. J'ai bien aimé la passe parce que tu traverses un avion de bout en plein air pour aller sauver quelqu'un. Ouais. Ça, c'était... Saints Row 3, dans le fond, ça avait mis le over-the-top sur la map pour la série des Saints Row. Le 1 puis le 2 n'étaient pas aussi intense que ça. C'était un peu comique, mais c'était pas autant que le 3 l'a été. Puis c'est vraiment à partir de ça que là, on est allé dans le... Ouais, effectivement. Pour ceux qui connaissent pas la série Saints Row, ben essentiellement, c'est un genre de Grand Theft Auto. Ouais. C'est un third-person sandbox, aventure si on veut. Tout est à la portée de tout le monde, les armes, les véhicules, certains emplacements. On peut monter des échelles pour aller en hauteur, des trucs comme ça. Mais la grosse innovation de Saints Row 4, c'est les pouvoirs. Donc, c'est comme si on mélangeait Infamous avec Grand Theft Auto 5. Exactement. Fait qu'en gros, là, pour expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans Saints Row 4... Ouais, parce que c'est pas... Il s'en passe des affaires. Au début du jeu, on sauve le monde d'une attaque terroriste. Par le fait même, on devient président des États-Unis. Dans une des scènes d'action de jeux vidéo les plus mongoles que j'ai jamais joué, j'ai un mot seulement à dire, là, puis c'est Aerosmith. Aerosmith. C'est tout, ça décrit tout. Si vous voulez pas jouer au jeu, allez sur Internet, regardez les 15 premières minutes du jeu, puis ouais. Vous allez... On veut pas le spoiler parce que c'est trop fort. Non, c'est ça. Donc, après cette scène-là, on se ramasse président des États-Unis, puis la Terre se fait envahir par des extraterrestres. Qui viennent d'à peu près de nulle part. Non, en fait, c'est on n'a jamais entendu parler d'eux autres. Ils s'appellent les Zin. Ouais, exactement. Le gros méchant s'appelle Zinniak. Exactement. Il est pas fin. Non. Mais il est quand même très éloquent. Il a un gros accent anglais, puis il a une élocution très soignée. Il cherche ses mots tout le temps. Puis c'est un personnage, ma foi, quand même assez attachant. Oh, et on s'attache à Zinniak malgré que c'est l'ennemi principal du jeu. Mais c'est ça. Donc, un coup qu'ils ont envahi, ils nous prennent en otage, si ouais. on veut. Puis là, on se ramasse dans une simulation ouais, informatique. C'est ça. C'est une fois que le personnage principal, c'est-à-dire vous-même, donc vous êtes capable de vous créer votre propre avatar ouais. et choisir un sexe, une shape corporelle quelconque, même un choix de voix, ça ouais. peut s'y attacher. Quand vous vous sauvez de la planète, c'est juste après ça que la planète est détruite. Fait qu'on se rend compte qu'il n'y a plus rien à faire sur la planète. Mais pour se venger, parce qu'on est des saintes, mm-hmm. la vengeance est dans notre sang, semble-t-il, on réussit à trouver un moyen de rentrer dans une simulation qui est créée par les Zin à la manière de la Matrice. C'est pas mal ça, en fait. L'inspiration vient clairement de là. Donc, c'est une simulation informatique où tout le monde, dans le fond, peut avoir des super pouvoirs, puis avoir un alter ego un peu différent de ce qu'il y a dans la réalité. Ouais. Et parce qu'on parle de simulation d'ordinateur, en ouais. quelque part, c'est comme si on jouait à un Grand Theft Auto, mélangé à une Famous, mais dans lequel certains bugs peuvent arriver. Mais attention, là, on parle pas de vrais bugs de jeux vidéo. On parle ici de glitch qui font en sorte que la réalité n'est pas ce qu'elle est. Un peu à la manière de la Matrice, à un moment donné... tu vois un champ noir, déjà vous, finalement, il n'y a plus de fenêtres, c'est juste des murs de briques. Il y a des choses comme ça qui peuvent se changer devant nous, mais c'est notamment les NPC de la ville et du Living City qui souffrent énormément de cette... de cette feature-là, parce que c'est pas non commun, je dirais, de voir une personne se transformer en bol de toilette. Non, c'est ça, ça peut arriver régulièrement. Il y a plusieurs missions que l'ennemi que tu vas aller tuer, ça va être un bol de toilette qui tient un fusil qui te tire dessus ou des trucs comme ça. Et c'est là que le fun commence. Exactement, ça set le tone pour le restant du jeu, ouais, c'est vraiment ouais. ça. Mais ouais, donc ils vont à fond dans le thème informatique. Toutes les textures ont l'air de glitcher une fois de temps en temps quand tu te promènes. Ils veulent te faire voir que t'es dans une simulation, t'es pas dans un vrai monde. Puis moi, je pense que ça fait sa job justement pour nous rappeler qu'on est dans un jeu vidéo. Je pense que l'expression « why so serious » s'appliquerait à ça parce que il faut se rappeler que c'est juste un jeu. Puis je pense que même le jeu lui-même, dans la narrative, nous le ramène quelques fois en pleine face. Là, ta gueule, c'est rien qu'un jeu. Non, c'est ça. Arrête de le prendre trop au sérieux. Le jeu en tant que tel ne se prend pas au sérieux, point. Donc, que toi, tu le prennes au sérieux, que quelqu'un d'autre le prenne au sérieux, regarde, eux autres se prennent pas au sérieux, fait Faut pas. Faut juste pas. Faut pas que tu joues à ça en disant « Ah, je veux vivre des émotions intenses, du drame, de la mélancolie. » Non, c'est vraiment pas le bon jeu pour ça. Quoique, moi, la scène du début, là, j'ai eu un petit... Un moment de patriotisme. Ah, oui, quand même. Faut le dire. Mais c'est ça, dans le fond, parce qu'on parlait un peu de la narrative et tout ça, c'est un jeu qui est très, très drôle. Le script, tout ça, les dialogues sont complètement hilarants. Les références qu'ils utilisent aussi pour en parler d'à peu près toutes, c'est... Non, c'est ça, c'est vraiment... comme je dis, c'est un jeu qui a pas peur de briser le quatrième mur puis tu sais, d'interagir avec la personne directement puis juste pour comme... Des moments cocasses. Exactement. Un des meilleurs exemples de ça, ça serait le fait que, bon, évidemment, pour accéder à cette simulation-là, on se trouve dans un vaisseau là, qui ne va pas s'en rappeler, le Nabucodonosor de la Matrice. Ouais. Et puis, il y a moyen, pareil comme dans Mass Effect, de tout le temps revenir dans notre vaisseau pour aller interagir avec les membres de l'équipage, que ça donne à être nos acolytes, les autres saints, finalement. Ouais. Et puis, on peut interagir avec tous les autres personnages, mais on a tout le temps deux options. Soit parler à la personne en question ou bien romancer avec, qu'il soit homme ou femme, Ou robot. Parce qu'il y a moyen de romancer un robot et d'avoir une scène plus ou moins sexuelle avec. Ouais. Mais ça, c'est à vous de le découvrir. On rentrera pas dans ces détails-là. Là, on n'est pas au poste de télé de fucking Anne-Marie Lozic-Site. Non, puis je pense que Bleu Nuit, ça passe plus. Fait que... Effectivement, ouais. Ouais. Donc, tout ça pour dire... Donc, ça, la narrative, c'est excellent. Tout ça, on se sent toujours dans un monde qui est... Je dis souvent, mais c'est tout est over the top. Ouais, que ce soit le monde, que ce soit le narratif, que ce soit les pouvoirs, que ce soit... Tout est over the top tout le temps. Moi, c'est ça que je veux amener comme point. Là. On parle de narrative et de over the top. On a, pareil comme dans Grand Theft Auto, une bonne sélection de postes de radio qu'on peut ouais. syntoniser pendant qu'on joue. Pour la première fois dans un jeu vidéo, j'ai vu une station de musique classique. À mon très grand plaisir. Ouais. Ce qui fait en sorte que il y en a qui vont vouloir choisir la station de reggae, d'autres metal, d'autres rock, d'autres Chom FM, là, quelque chose comme ça. Pour les plus érudits, ou bien l'élite, là, un peu comme moi. Ben oui, tu sais. On va choisir le poste de musique classique. Et puis, il n'y a rien de plus satisfaisant que de shooter dans face d'un alien avec un 12 en écoutant la marche Radzinski de Strauss. Ou, quand c'est arrivé, je vous jure, c'est là que j'ai versé la deuxième larme de mon expérience avec Saints Row 4, le thème de Monty Python. Ouais. Ouais. Liberty Bell March par Sousa, qui est dans le poste de radio finalement. Et puis même, ce poste de radio-là, l'animateur du poste de radio, c'est Zignac lui-même. C'est ouais. le gros méchant lui-même. Et puis qui passe une craque à savoir que Sousa était un compositeur qui a fait de la musique classique et qui a aussi fait une musique pour un sitcom britannique. Mais il n'y a pas juste de la musique. Le maudit a quand même été assez audacieux pour nous raconter ou bien nous lire des extraits de deux grands classiques de la littérature britannique, soit le premier chapitre de Jane Austen's Pride and Prejudice et puis une autre scène d'une pièce de théâtre de Shakespeare. On vous dira pas laquelle. Non, c'est à vous de le découvrir. Fait que ça, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir parce que comme tu disais, mon cher Gaétan, le quatrième mur, là, il vient d'être oblitéré en type pire. Non, c'est ça. Puis ils le font avec aucune gêne. Puis c'est ça qui fait que c'est le fun. Effectivement. Mais... C'est parce qu'on n'a aucune gêne aussi qu'on peut customiser notre bonhomme des manières les plus loufoques possibles. Ah oui, je dirais, tu peux clairement juste te mettre un string tout court puis un backpack en forme de chat avec des lunettes de soleil puis te mettre à tirer du monde après, puis c'est bien le fun. C'est ce qui nous amène à l'arsenal. Oui, ben, qui est très varié. T'as un très grand choix d'armes. Tu peux passer du petit pistol à des submachine guns, à des gros fusils shotgun. Sans oublier l'épée de styromousse en forme de pénis. Sinon, c'est littéralement un dildo géant. Ah! Ah, moi qui pensais que c'était une épée. Non. Oh. Donc, okay. après avoir dit cela, ce qui est le fun aussi avec les armes, c'est qu'on peut les customiser, on peut les upgrader. Il y a énormément de d'options pour ça. Là. Ouais, c'est ça. Tu vas au shop qui s'occupe des armes, puis après ça, tu dépenses des points de l'argent pour pouvoir upgrader tes armes. Tu peux mettre des skins dessus pour qu'ils soient un peu plus beaux si t'aimes pas le skin original dessus. Fait que tu peux faire en sorte que le fameux dubstep gun qui fait danser les gens jusqu'à la mort soit d'une couleur fluo la plus incroyable possible. Faut dire, oui, vous avez bien entendu, il y a un dubstep gun. Qui fait danser les gens jusqu'à la mort. Ouais, c'est quand même une très belle idée que Saints Row a eu. Et si je me trompe pas, un des plus gros collector's edition du jeu venait avec une réplique du dubstep gun. Effectivement, aussi. Oui. On l'a pas nous autres là, parce qu'on est trop pauvres dans notre petit village, mais ça, c'est non, une histoire. C'est ça. Donc c'est ça, oui. Ouais, moment de silence, là, parce que vous nous avez pas vu, on a juste acquiescé notre non, pauvreté. On a acquiescé puis aussi avalé une gorgée, c'est ça l'affaire. Ouais, ouais, parce que c'est pas qu'on est rendu à la gorgée du milieu, mais moi j'ai quasiment envie de dire elle est foutument bonne, la buteuse. Elle est excellente. Plus que je la bois, plus que je sens mes babines se ramollir parce que c'est 10%. Exactement, exactement. Fait que pendant que tu prends ta gorgée. Ce moment de d'irritation intense est une présentation de la bière buteuse par le trou du diable. FM. Donc, c'est ça pour en revenir aux armes. Elles sont super le fun à utiliser. C'est pas une mécanique de shooting qui est super poussée ou quoi que ce soit. Non, je pense mais... pas qu'il y ait de cover-based shooting. Non, c'est ça. Plus, c'est vraiment simple. Bout, mais sais. Ça fait un job. C'est ouais, rien en fait, de plus. Ça fait un job. Il n'y a rien d'exceptionnel, sauf que... C'est le fun de pouvoir utiliser son arme puis que ce soit simple et efficace. Parce ouais. que c'est pas qu'il y a du aim assist tout le temps, là, mais faire des headshots, c'est ça prend un petit peu de ton apport, mais ça fonctionne, t'as pas besoin d'aide. Puis on sent vraiment les balles rentrer, là, les têtes exploser. C'est bien le fun. Non, ça rentre. Ça rentre en maudit. Ça rentre au poste. Mais... Sauf qu'il n'y a pas juste les armes à feu, là. Parce que là, la grosse innovation, vu justement qu'on est dans une grosse simulation électronique, on a trouvé des moyens, c'est-à-dire eux dans Saint-Tro, ont trouvé des moyens de procurer certaines habiletés, disons, hors du commun à notre protagoniste, n'est-ce pas? En gros, c'est vraiment un des pouvoirs de super-héros qu'on acquiert au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, donc on va les débloquer. Que ce soit de sauter très haut dans les airs, de pouvoir planer, à pitcher des boules de glace, faire des stomps à terre, des trucs comme ça. C'est des trucs qui sont vraiment juste le fun à utiliser. Ça fait en sorte que le jeu il prend une autre dimension direct en partant. Le fait de pouvoir sauter très haut, ça rajoute justement toute la dimension de hauteur dans le jeu que tu n'avais pas nécessairement avant. Mettons dans Saints Row 3, tu pouvais quand même conduire des avions, des trucs comme ça, mais tu ne pouvais pas y aller juste à pied, genre monter un building. Ouais, ouais. On peut complètement oublier la mécanique de grimpage d'Assassin's Creed. Là. Tu veux monter sur le toit de la bâtisse, c'est simple. Tu pèses par en avant, tu pèses sur le piton saute, puis tu pèses sur le piton de courir, et puis tu vas juste courir de façon verticale sur le bord du mur. C'est ça, jusqu'à temps que t'arrives. Mort sans suivre. C'est ça. Ce qui donc rend à peu près tout ce qui a rapport au driving obsolète dans le jeu. Parce qu'une fois qu'on débloque le super saut et puis le planage, il n'y a quasiment plus aucune raison d'utiliser les véhicules pour se déplacer dans la ville. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de missions concernant des véhicules. Ouais. Ben en fait, les véhicules sont super pratiques jusqu'à temps que tu pognes ces powers-là, finalement. Ouais, ouais. Fait que jusqu'à temps que tu arrives à ce moment-là, là, tu vas utiliser les véhicules pour te promener parce que ça va être la façon la plus rapide de te déplacer. Mais sinon, ça sert à rien après ça. Là. Tu fais juste voler puis ça va 100 fois plus vite. En fait, la seule affaire à quoi ça sert, c'est d'utiliser ton pouvoir de la télékinésie, l'élever dans les airs, les chars, puis les pitcher sur les méchants. Ouais, c'est ça. Ou juste les pauvres civils qui ont rien fait. Puis, ouais. C'est toujours la fin. En fait, c'est juste des NPC d'une simulation. On tue pas du vrai monde, là. Non, c'est des fausses personnes. Non, c'est ça. Avant qu'on ait encore une autre poursuite sur notre dos. C'est des un-persons. Exactement. Mettons. Fait que beaucoup de pouvoirs, beaucoup de choses, puis au même titre que les armes aussi, les pouvoirs sont tous customizables. Ouais. C'est-à-dire on est capable de dépenser ce qu'on appelle les clusters dans le jeu, là, qui est un genre de feuille bleue qui pend en quelque part. Ouais, c'est comme un collectible, c'est une espèce de cube bleu qui traîne dans la ville, il y en a des centaines et des centaines. Ça n'a aucune fin la quantité qu'il y a, l'impression qu'il respawn après un certain temps. Je pense pas parce que, remarque, j'ai pas remarqué si ça se faisait, en tout cas, si c'est respawn, mais... C'est dur d'arriver en quelque part puis de dire qu'on les a toutes faites. Non, c'est ça, il y en a partout. C'est ça la monnaie courante pour pouvoir pour justement échanger contre des upgrades pour les armes. Pas les armes, excusez, pour les pouvoirs. Les pouvoirs. Que ça dure plus longtemps, que ça aille un rayon de dommages plus grand, que ça prenne moins de temps à recharger, tout ça, ça rend ton bonhomme tellement, comme dirait mon beau-frère, OP. OP. OP, man, parce que t'es trop overpower. Puis tu pendes des gens. Ouais, ouais. Donc, mais c'est ça l'affaire, c'est que malgré le sentiment de puissance et de pouvoir ultime qu'on possède, le jeu demeure quand même assez bien équilibré au niveau de la difficulté parce que ça arrive des fois qu'il y a tellement de bonhommes et de bébites autour de toi que tu peux arriver très proche de la mort. Ah oui, ben, de devoir t'en aller de la zone d'action. Il y a des missions souvent que c'est des waves et des waves et des waves et des waves d'ennemis qui arrivent à toi puis il faut que tu survives. C'est comme une vague de mutilation. Exactement, tu sais, ça fait mal. Ouais. Mais c'est pour ça que... Ils ont bien joué la balance entre le fait que t'aies vraiment des pouvoirs qui sont super impressionnants puis tout ça, puis le fait que c'est pas parce que t'as ça que t'es imbattable, puis tu sais, faut vraiment que tu utilises tes skills comme du monde puis que tu sois quand même bon au jeu pour que tu puisses survivre à toutes les épreuves qui vont être devant toi, parce que sinon c'est tough là. Puis justement, pour être bon avec tes pouvoirs, il y a une panoplie à peu près illimitée de side activities là. Puis on parle d'une variété là, qui est assez impressionnante. En fait, il y a un paquet de side missions en tant que telles qui sont justement des petites missions que tu fais par-ci par-là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui reviennent. Ça, c'est le côté un peu plate. Ça va être le même. Ça va être un différent nom, mais ça va être les mêmes composantes de la mission qui vont revenir. Ouais. Donc, il y a ça. Mais sinon, oui, c'est vrai, les petits jeux à côté, là, quand tu rentres dans le robot puis tu détruis tout, t'as le Genki qui revient aussi. Puis, Donc, il y a du stock en maudit à faire. Là. Un de mes jeux side quest comme ça préférés, c'est celui de l'accident, là, où est-ce qu'on doit ramasser le plus grand nombre de points en se laissant tomber et foncer dedans par les véhicules. Ouais. J'avais plus de facilité et de plaisir à contrôler ce personnage-là qui a à peu près aucun contrôle finalement que le personnage d'Assassin's Creed 4. À peu près. Ouais. Mais pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi, c'est que du moment que... Dans le fond, la mission commence, on peut se faire tomber en espèce de ragdoll, puis le but, c'est justement de se faire pousser par des chars pour ramasser de l'argent. Donc, à chaque fois qu'il y a un impact, ça donne de l'argent. Plus l'impact est gros ou s'il y a une explosion, force, tout ça, ça va faire qu'on ramasse plus d'argent. Fait que là, c'est d'arriver à des stages vraiment précis, de, mettons, ouais, je sais pas, 600 000, 1 million, 1 million, 1,5 million. Ouais, parce que chaque activité secondaire, finalement, a trois étapes là, d'accomplissement. Toujours. Bronze, argent et ou or. Ouais. Donc, c'est soit une question de tu l'as fait en X temps ou tu as accumulé X nombre de points pour te rendre là. Je dirais que souvent les missions se font pas mal toutes à argent assez facilement. Assez facilement, ouais. Je dirais que c'est rare que tu vas rater la mission. Dans le pire des cas, tu vas avoir un bronze puis that's it, là, on s'en sac. Là. Mais c'est mieux qu'un rien. Non, c'est ça, mais je pense que j'ai jamais vu comme une mission de même failer parce que le premier step d'habitude il est assez bas, fait qu'il y a pas trop de troubles à l'atteindre, ça. Fait que on est rendu au moment où on parle effectivement de la gorgée du milieu. Ben là, ouais, c'est à peu près ça. Ouais, ben ouais, c'est ça. C'est la gorgée du milieu si je m'en fie à la ligne à la ligne de brou dans mon verre, disons. C'est ça. Ben, je pense que je suis un petit peu trop agréablement surpris par la buteuse. c'est ça. Hein? Non, mais c'est un très bon choix, ça, mon frère. Et puis bon. On s'était dit, puis on a eu des commentaires sur nos Twitter, parce qu'il faut pas oublier qu'on fait partie de cette sphère de médias sociaux-là aussi. Aussi. On a des interactions avec des gens donc on n'a jamais vu, qui nous disent des affaires, puis qui nous ont dit, qui nous ont reproché, je devrais peut-être dire, qu'on parle pas assez de la bière. Ben ça, écoute, même qu'on savait nous autres mêmes, on s'en est rendu compte en nous réécoutant, chose qui est importante à faire d'ailleurs. Tu te réécoutes, toi? Ben, j'aime pas ça, mais je le fais, tu sais, c'est... pas vraiment le choix. Ouais, moi je le passe à travers une pédale de distorsion. Ah, tu vois, ça fait différent, c'est plus ça fun. Fait, ouais, c'est tellement doux à l'oreille. Non, j'aime ça. C'est bon. Mais non, c'est ça, donc on trouve qu'on parle pas assez de la bière, puis en même temps, c'est important de vendre le produit un peu. Mais sincèrement, moi, la buteuse, j'ai connu ça fait peut-être 3 ans à peu près. Je n'avais bu une au Mondial de la bière, puis j'ai vraiment adoré ça. Parce que comme je dis, c'est une bière qui est forte, mais c'est pas une bière qui... au goût va être désagréable ou quoi que ce soit. C'est pas, disons que ça a moins de punch puis comment dire là, moins d'épices dans le goût qu'une bière forte à la Unibrew comme la Maudite ou la Trois Pistoles. Ouais, c'est ça. En fait, c'est on va sentir qu'il y a beaucoup de saveurs en même temps, des épices tout ça, mais c'est pas comment je peux dire overwhelming. Exactement, c'est pas overwhelming. C'est ça. Là, que je vous voyais appeler encore la maudite office de la langue française. À part de ça, office, c'est-tu un mot français? Hein? Je pense pas. Exactement. Fait que moi, quand je la goûte, la buteuse, j'ai des petites notes d'agrumes ici et là. Ouais, il y a clairement un petit quelque chose de fruit qui est dans le goût. Puis vraiment, là, c'est rond, c'est bon. Ça... C'est ça, c'est pas une bière qui laisse une trace dans la bouche. Ne serait-ce que peut-être un très bon goût. Exactement. Ouais. Puis tu sais, qui c'est qui veut pas avoir un bon goût dans la bouche? Hein? Fait qu'on on est là en train de vous dire que la buteuse a un factoriel très élevé. Très élevé. Oh, ouais, ça, là, on ne peut le nier. Aucunement. On est déjà en train de dire que c'est une des meilleures bières qu'on a vues, je pense, à l'émission. Puis ça fera... Ah, moi, c'est clairement, peu importe émission ou non, c'est dans le top de mes bières, point. Ah, oh, ouais? Ouais. Oh, t'arrêtes ouais. À côté de la Wildcat Dry en canette? Ouais, mais juste en dessous de la Laurentide. Ah, OK. Fait que, tu sais, OK, je comprends. Je veux dire la Laurentide, Chris, tu peux pas. Man, les caisses de 28, c'était-tu pas la meilleure invention à l'époque? Je pense que j'allais m'en acheter, j'ai pas le choix. OK. On prend une pause tout de suite, mesdames et messieurs, et on revient après ce... court message publicitaire. Alors, si on continue avec Saints Row 4, ben moi, je joue un petit peu, pas mal intensément ce jeu-là depuis quelques temps déjà. Oui, effectivement, mon expérience est à peu près pareille. Je me décolle mon poste de radio de musique classique. J'écoute ma musique par rapport pendant que je suis en train de défoncer des aliens dans la face. N'empêche pas moins que la ville, j'ai de la misère à m'orienter. Elle est quand même grande, elle est quand même vaste. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de coins morts, par contre. Il y a beaucoup de derrière de bâtisses. et de petites ruelles où il n'y a rien. Donc, il faut vraiment, si on veut avoir une expérience de jeu le fun, se tenir dans les coins où il y a de l'action. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que la ville dans Saints Row 4, c'est exactement la même que dans Saints Row 3. Ouais. La seule différence, c'est qu'il va y avoir des vaisseaux extraterrestres, puis il y a les textures qui glitchent, comme je disais tantôt. Mais sinon, c'est exactement la même ville. Le rendu ville. Est pas pareil, parce que ça se passe à peu près tout le temps la nuit. Hein. On dirait qu'il n'y a pas ouais, un cycle ça. De jour-nuit. Non, mais c'est ça. En fait, c'est tout le temps un peu rougeâtre, un peu partout. Puis, mais sinon, c'est exactement la même ville. Fait que c'est là qu'on comprend un peu pourquoi ça n'a pas été un jeu qui a été long à faire, parce qu'ils ont probablement juste repris le data de la ville, ils l'ont sacré là-dessus, ils ont changé une couple d'affaires, ils ont amélioré des petites textures par-ci par-là, mais c'est à peu près tout. Là. Mais effectivement, la ville, t'sais, c'est pas... C'est une ville qui est intéressante, mais c'est pas une ville qui est, comment je pourrais dire, mémorable à la Liberty City dans GTA, mettons. Non, t'sais. Exactement. C'est dur de pouvoir y placer des landmarks, qu'on dirait en anglais, là, vraiment des monuments. Quoique, des... il y a une statue, genre Statue de la Liberté de Zignac. Oui, effectivement. Je suis pas encore allé la voir, je l'ai vu sur la carte. Mon problème avec le jeu, c'est que je suis juste tellement émerveillé par la variété des actions que je peux faire, toutes les side missions que je suis en train de compléter. J'ai presque délaissé la quête principale, puis à mon détriment, parce que je viens juste de passer un moment dans la quête principale qui était tellement drôle, qui était une belle claque d'en face, on y reviendra, que c'est ça, je découvre une ville un peu dull. Ouais. Simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de place mémorable. Il mais... y a beaucoup de collectibles. Bon, on va essayer de trouver la centaine de petites statues de Zignac ouais. Dans la ville pour les détruire. Je sais même pas ce que ça donne ou si ça vaut la peine, tu sais. Mais bon, il y a comme un semblant d'aéroport où on peut effectivement voler un avion puis tirer des mais missiles sinon, avec ça. Sinon, tu sais, je veux dire, dans la ville, t'as le centre-ville qui est remarquable parce qu'il y a des grosses publicités lumineuses puis ouais, tout ça. Ouais, donc ouais. Ça, tu peux qui pas se trouve au même endroit où l'ancien siège social des Saints était dans le 3, si je me trompe pas. Ouais, c'est à peu près dans le, ouais, c'est à peu près dans le même bout. Ouais. Donc sinon en dehors de ça, c'est pas mal les petits quartiers résidentiels, puis tu sais, oui, tu vas retrouver des quartiers justement qui font un peu penser à New York, des grosses villes comme ça, mais c'est pas mémorable plus qu'il faut. Ça, comme je dis là, c'est une ville qui est correcte sans plus. C'est un bon terrain de jeu, mais tu vas pas c'est faire ça. Comme « Ah, c'est incroyable, c'est un monde, je suis complètement immersé là-dedans. » Ouais, le bon mot pour en parler, c'est justement, c'est un très bon terrain de jeu, parce que c'est pas la ville qui est là pour être regardé l'atout de ce jeu-là. C'est vraiment la variété des activités qu'on a à faire. Non, c'est ça. Quelque chose qu'on a parlé tout à l'heure puis qui était quand même assez intéressant à mon point de vue, c'était toutes les shops, que ce soit pour les vêtements, les armes ou le tatouage ou ben même le chirurgien plastique, ouais. Si on décide de changer de sexe, parce que c'est très possible dans ouais, ce jeu-là. Tu peux en faire bien les affaires. Pour y accéder, il faut pouvoir le hacker. Ouais. Ça fait juste te dire... Je te le donnerai pas tout de suite. T'sais, force-toi un petit peu les méninges pour l'avoir. Ouais. J'apprécie mais ça, ce genre d'affaires-là. En fait, c'est ça. Si tu vois ça de la façon, dans le fond, à la place du joueur, c'est le même que tu le vois, mais dans le fond, de la façon que le jeu te le vend, c'est que toute la simulation, ben, c'est contrôlé par Zignac. Puis toi, ton but, c'est justement de hacker la simulation au fur et à mesure pour gagner de la place des territoires dans la ville. Absolument. Donc, c'est comme ça que tu le fais. C'est qu'en allant hacker des shops, le quartier autour du shop va devenir à toi. Donc, c'est comme ça. Puis en même temps, c'est une bonne façon d'avoir une progression qui est constante dans le jeu. Ouais, puis ça, c'est représenté dans la map du monde par des contours autour des différents secteurs, dis-je, qui vont montrer la quantité d'emprise qu'on a nous-mêmes sur ces secteurs-là. Ouais. Chose qui se fait au cours de différentes autres missions, c'est-à-dire aller insérer des virus dans certains hubs ouais. Qui finalement ne se rapportent simplement qu'à attirer une bunch d'extraterrestres d'en face. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'injection de virus ou quoi que ce soit. C'est vers tel point. C'est pas littéral. Là. C'est, non, c'est ça. C'est vers tel point, tu des monstres, puis that's it. Mais il y a d'autres quêtes comme ça qui nous forcent à faire du platforming. Puis ça, c'est c'est l'élément faible, selon moi, parce que toute la partie plateforme en hauteur est difficilement... complétable, je dirais, parce que tout l'aspect de contrôle de notre personnage, une fois qu'il est dans les airs, c'est un peu bâclé. Non, c'est ça, mais c'est pas un jeu qui se contrôle incroyablement bien. La navigation, généralement, est correcte, elle fait la job, mais quand vient le temps d'être super précis puis de faire des sauts vraiment techniques, C'est pas facile. Faut se pratiquer. Parce que justement, ces side quests-là, là, faut monter de plateforme en plateforme surélevée, puis c'est pas facile de se contrôler. On y arrive. Je dis pas que c'est impossible à faire. C'est juste qu'on va sentir de la frustration parce qu'on pensait vraiment qu'on allait dans la bonne direction. Ou on pensait qu'avec l'élan qu'on avait, on aurait assez de force pour couvrir la distance de notre saut. Malheureusement, non. Alors, il faut repartir à zéro, c'est-à-dire en bas, puis recontinuer notre bonhomme de chemin. Mais je dirais pas, par contre, que c'est à un point tel où c'est trop chiant puis qu'on abandonne. On réussit à le faire. Il est quand même... Il est pas trop punitif, là. Non, c'est ça. Tu te sens pas... Tu sens pas que le jeu a triché sur toi quand tu manques ton coup. Tu sais, c'est relativement fair. Sûr, les contrôles sont pas ce qu'il y a de plus tête, mais tu sais qu'il y a aussi un peu de toi qui est pas nécessairement à la hauteur pour le faire. Fait qu'à force de le faire, éventuellement, tu caches comment ça marche. Puis, ouais. Moi, j'essaie de jouer au jeu, puis tu sais, il faut que j'essaie de faire le train, ça ferme en même temps. Pas facile. C'est peut-être ça mon problème, finalement. Non, je devrais me dédier entièrement à une seule tâche à la fois. Ouais, ce serait important. Fait que si on arrive à la quête principale, ben là, finalement, ce qui se passe, c'est que c'est ça. Là, on veut essayer de retrouver le contrôle de notre empire américain. On est le président des États-Unis, quand même. C'est ça qu'on incarne. Ouais. On veut tuer les méchants. Puis, ben, au fur et à mesure des missions, on essaie de comprendre s'il y a un moyen qui existe de sauver l'humanité. Exactement. Donc, c'est possible. Exactement. Puis ça, on vous le dira pas parce que c'est à la fin du jeu. Mais mais sinon, ouais, c'est, dans le fond, c'est juste de vouloir ramener l'humanité parce qu'on s'entend que la Terre, elle n'existe plus. Donc, c'est quand même bête. Donc, ouais, j'avais pas pensé à ça. C'est ça, tu sais. Fait que vu que la Terre, elle n'existe plus, ben il faut trouver un moyen de la ramener. Hein. C'est au cours de différentes missions, les plus farfelues les unes que les autres, qu'on apprend si c'est possible ou non. Exactement. Puis au fur et à mesure qu'on va faire les missions, on va libérer les membres des Saints qu'on avait dans Saints Row 3, et même dans Saints Row 2. Toute la famille est là, finalement. Exactement. C'est tous les mêmes personnages qu'on aime, qu'on adore, qui vont venir. Puis ça, c'est le fun parce que chaque personne qui est prise dans la simulation qu'on doit libérer a vraiment une simulation précise à eux-mêmes. Donc, ouais. Dépendant du personnage, je pense, si je me trompe pas, c'est comme leur pire peur ou quelque chose du genre là, qui sont pris dedans. Ouais, ouais. Fait que la simulation va créer la pire peur de tel personnage. Donc, toi, tu dois aller dans cette simulation-là le chercher. Je sais pas si certains d'entre vous, chers auditeurs, ont déjà joué à un jeu qu'on avait quand on était au primaire. Là, je parle des gens qui étaient au primaire, là, fin 80. Adibou? C'est tout ça? Fin 80, début 90, là, c'était un genre de jeu pointe et clic. On se promène dans des corridors, dis-je, puis on se fait poser des questions. Puis là, c'est soit qu'on rencontre un spectre ou un squelette ou d'autres choses comme ça. Et puis, c'est des questions qui ont rapport avec l'histoire générale du Québec ou bien la géographie du Québec. Une de ces missions-là qu'on a dans Saints Row 4, ça ressemble à ça. On s'en va sauver justement un de nos saints préférés. Et puis, on a devant nous plus un jeu AAA avec des beaux graphiques puis des explosions partout. Là. C'est un fond noir, c'est une image en 8 bits avec une question. Tu arrives sur une île déserte et puis il y a quelque chose dans l'arbre. Qu'est-ce que tu fais? Tu as 4 choix de réponse, on en choisit un des 4. Si on n'a pas eu le bon choix de réponse, on recommence. Mais la simulation nous a donné une réponse qui est comme funny ballonné, tu sais. Oh, ouais. Ça, c'est la mission principale, je vous ferai remarquer. Ce qui est le fun avec Saints Row 4, c'est justement ça. C'est comment est-ce que pour une mission principale, au lieu de te donner tout le temps, une grosse mission avec des explosions partout, on brise ce rythme-là. Et puis, on te donne ça. Ouais. Non, ça, c'est bien le fun. T'en as une autre. Si je me souviens, c'est quand tu... Ben non, c'est vrai, je dirais pas c'est qui, parce que je pense que c'est un spoiler. Mais tu vas sauver quelqu'un. Puis le jeu se transforme en fighter, side-scroller 2D à la Final Fight. C'est incroyable. On a aucune gêne, là. On y va, on le fait. Non, c'est ça, tu sais. Puis c'est le fun parce qu'ils ont vraiment... Le skin de votre personnage, même si vous avez mis un paquet de genre d'objets, d'accessoires super flyés, il va quand même être rendu en espèce de 2D dans le monde un peu à la Final Fight. Puis c'est incroyable, là, c'est super bien fait. Streets of Rage aussi. Streets of Rage, ouais. Fait que non, ça c'est des bons moments, honnêtement. Là, ça fait juste briser assez le gameplay pour que tu restes intéressé. Puis, tu sais, ça dure pas trop longtemps non plus pour que tu fasses « Ah, ok, j'haïs vraiment ça, je vais retourner dans le jeu ». C'est vraiment une bonne balance. Il y a d'autres moments où on sort carrément de la ville. Comment qu'elle s'appelle la ville? Steelport. Steelport. On sort de Steelport pour rentrer dans une espèce d'entremonde de la simulation et de la vraie simulation, si on veut. C'est une espèce de monde qui pourrait ressembler à Tron, si on veut. Ouais. Ce qui est le fun avec ça aussi, encore une fois, c'est que ça brise le visuel. Fait qu'on a les mêmes genres de contrôles, les mêmes genres d'affaires, sauf qu'on a... Un genre de purgatoire informatique dans lequel notre personnage doit aller, si on veut s'infiltrer dans un réseau quelconque, là, pour aller désactiver un port de network, de choses comme ça. Moi, je trouve ça le fun. Ouais. Parce que ça brise, encore une fois, tout ce qui a rapport avec une progression qui est juste pareille. Non, exactement. Ils savent comment faire différentes missions, différentes locations, différents environnements qui vont faire en sorte que t'es pas tanné de jouer. T'sais, tu vas toujours retourner dans la ville, refaire les mêmes choses, mais quand même, tu vas avoir assez de stocks différents pour pas te tanner. Il y a toujours des surprises. Oh, écoute. L'autre bord du coin de l'autour. Ouais. Ouais, je voulais le dire en anglais, mais ça a vraiment pas bien sorti. Non, pas j'ai pris une chance. Et je te dis. Mais. Fait que. Hein? C'est ça qu'ils disent. Fait que, tout ça pour dire que. Oui. Non, mais. C'est vraiment un. Comme je dis, c'est. Un jeu que vous allez avoir du fun en masse avec. Si vous, c'est pas un jeu que tu vas jouer avec ton cerveau à on, mais pas pantoute, parce que ça sert à rien. C'est pas vrai. Il faut. Ok, il faut que t'aies un minimum de cerveau à on pour avoir assez ça prend de la stratégie pour survivre, quand même. Mettons. Mais en dehors de ça, là, ça prend pas grand chose pour avoir du fun là-dessus. Non, là. C'est vrai. Ben moi, c'est quelque chose que je voulais dire, c'était. Il y a tellement de références à la culture pop dans ce jeu-là. Oh, oui. C'en est presque aberrant. Ben, tu sais, comme je disais tantôt, t'as une mission éventuellement où on se promène avec Pierce, qui est un de nos camarades Saints. Puis, pendant qu'on est dans une auto avec lui, il y a une toune de Paula Abdul qui se met à jouer à la radio. Puis, Pierce se met à chanter à travers ça. Puis, c'est n'importe quoi. C'est complètement ridicule. Puis, il y a une autre mission où on essaie de se sauver en vaisseau spatial. Et puis, il y a rien d'autre. Rien de moins que What is Love de Hathaway qui joue dans le background alors qu'on est dans un environnement futuriste avec des lasers et des explosions partout. Entre autres. C'est over the top. Il y a une scène à peu près dans le début, dans le prologue. On vous dira pas comment ça se passe, mais il y a une grosse référence à Space Invaders. Ouais, oh, ouais. J'ai trouvé ça débile mental. Bon, une référence à qui est un mélange entre la scène avec l'architecte et puis la fin de Mass Effect 3 à un moment donné. C'est truffé de références comme ça qui rend... Tu sais, je veux dire, il y a rien que le geek en nous ne va pas aimer. Mais en fait, c'est des moments qui vont te faire sourire. Ouais. C'est littéralement ça. C'est fait pour que tu joues, puis si jamais tu t'emmerdes un peu, ben là, tout d'un coup, tu vois de quoi, puis là, tu te mets à sourire, puis c'est comme... All right, on continue là-dessus. C'est... Vers la fin, encore là, je spoilerai rien. Oh, c'est pas facile à dire avec les lèvres molles, hein? Non, mais... vers la fin, t'as une grosse scène super épique. Puis la musique de background, c'est la musique du film de Transformers avec The Touch. Là. C'est incroyable. C'est juste trop beau. Puis, on a vraiment pas peur du kitsch. Ah non, mais en même temps, tu embraces, tu sais. Ah oui, oui. Saute dedans, bras ouverts, let's go. Oh oui, t'en prends plein la gueule, puis c'est comme ça que ça marche. Moi, je regarde le temps, mon cher Gaétan. Je pense que la game de hockey commence bientôt. Et puis, après cette pause des Jeux olympiques, on est un peu dû. Un peu, quand même. Et puis, c'est le temps de passer à la gorgée de la fin. Oui. Et puis, au verdict. Bien évidemment. Bon, là, on va essayer de se contenir parce qu'on a eu énormément de plaisir avec cette bière-là. Tellement qu'on en a oublié nos moyens pour parler du jeu plus en profondeur. Mais je pense qu'on est unanime, là. Oui. Moi, mon verdict est bien simple, c'est les deux. Ouais, moi aussi. Moi, j'y vais avec une buteuse, puis je pense que je vais aller m'en racheter une tout de suite après. Puis je vais continuer ma game à Saints Row 4 juste pour aller voir c'est quoi qu'est-ce que les autres missions principales ont à me réserver comme surprise. Ouais. C'est le fun, c'est pas compliqué, ça explose partout au besoin, quand qu'il faut. Satisfaisant est le mot. Et cette bière qui est tellement satisfaisante, elle roule dans la bouche, elle est aussi légère qu'une bière d'été. Ouais. Dans sa texture, dans son goût. Mais qui ne pardonne pas si trop consommé, je dirais. Elle porte bien son nom de buteuse. Je crois que oui. En tout cas, pour que vous la reconnaissiez à l'épicerie Le Trou du Diable, on voit un peu mon effigie, je dirais, sur l'étiquette. Là, quelqu'un avec une barbe, mais je vous en dis pas plus. Mais sinon, moi aussi, les deux, vraiment... Ce qui est le fun avec Saints Row, c'est que c'est un jeu qui sort de l'ordinaire dans un temps où la plupart des jeux AAA qui vont sortir sont très gris, noir, bleu, pis that's it, là, c'est sombre. Ah, oh, Apocalypse, ouais, là, c'est la fin du monde, il faut tout de voir un jeu qui se prend pas au sérieux, puis qui est... C'est plein de couleurs partout, c'est mauve, c'est trippant, c'est... Ça fait du bien. C'est ça trippant, fait... jusqu'à... au son qu'on nous donne quand on achète un upgrade, ah, là, ben, tout, ça fait du bien. Tout fait du bien. Si vous avez besoin d'un break là, des jeux qui ont sorti récemment, là, allez vous pogner Saints Row 4, vous allez triper. Sinon, pour la bière, ben c'est pas compliqué. Comme je dis, c'est moi qui l'ai proposé parce que je la connaissais déjà. Fait que moi, t'as très bien fait de le faire. Moi, je suis déjà vendu à la buteuse, puis je pense que tout le monde devrait l'essayer. Puis je suis sûr que dès la première gorgée, vous allez être vendu vous autres aussi. Fait que vraiment, là, alors, un bon duo. Excellent. On lève notre verre à Saints Row 4 et puis on lève notre verre aussi au Trou du Diable. Au Trou du Diable, parce qu'ils font des maudits bons produits puis ouais. On va continuer d'acheter leur stock. Là, ça va être de trouver un jeu vidéo qui va pouvoir se jumeler comme il faut avec la Shawinigan Handshake. Je pense qu'il va falloir qu'on trouve un jeu qui parle de politique corrompue. Là. Ouais, ou un jeu avec Jean Chrétien dedans. Faudrait checker. Là, ça existe-tu, ça? Sûrement. On sait que Infoman nous a déjà donné quelques jeux vidéo à la Angry Birds là, ouais, mais ça c'est avec le PQ là, ouais, faudrait trouver, on va peut-être faire un épisode spécial là-dessus, on va essayer ça. Alors c'est déjà la fin de cet épisode de la barrique numérique. On espère que vous allez peser sur Save Game. Oui. Et que vous puissiez revenir avec nous la prochaine émission. Effectivement. Alors, n'oubliez pas que nous sommes sur toutes les plateformes de réseaux sociaux à peu près qui existent. Ben on parle oui. de Facebook, on parle de Twitter, on parle de SoundCloud. C'est pas compliqué. Sur notre SoundCloud, vous pouvez tout trouver. Sur Twitter, on est @barriquenum. Sur Facebook, ben, la barrique numérique, tout simplement. Puis, on va se faire plaisir de vous jaser si vous venez nous voir. Fait que n'hésitez pas. Yes, sir. On est en train de changer notre portail aussi. On vous tient au courant là-dessus. Puis probablement que cet épisode-ci sera déjà sur le nouveau portail. Ouais, c'est ça. Fait que si c'est pas comme d'habitude, là, c'est à cause de ça. Exactement. Encore une fois, merci d'avoir été là. À la prochaine. Bye bye.